Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 5 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Raïssa. Ça vient de l'arabe signifiant déluge. Avec 3 mètres nombre au sein de ce prénom, nous pouvons nous attendre à un caractère hors du commun. Mais il est logique que de telles vibrations ne soient pas toujours faciles à assimiler puisqu'elles sont synonymes de grandeur, de dépassement de soi et d'aspiration élevée. Certes, un programme aussi grandiose peut l'amener à d'importantes réalisations à la fois matérielles, humanitaires ou créatives. Raïssa se révélant alors une femme inspirée en symbiose avec le cosmos. Ce destin peut l'amener très haut et très loin vers les sommets, d'autant plus qu'elle sait être patiente, déterminée, opiniâtre, voire obstinée et qu'elle sent intuitivement que le temps travaille pour elle. Cette route n'est pas sans embûches, sans tension nerveuse excessive, ni sans extrémisme, voire sans fanatisme. Car elle a tendance à aller jusqu'au bout de ses possibilités. Ses travers font partie de son génie. Pourtant, la plupart du temps, elle vivra ses vibrations une octave au-dessous sur le mode du 2 et du 4. Elle paraîtra alors souvent déconcertante de par ses contradictions. Elle sera ainsi hyper émotive, inspirée, sensible, impulsive, aura une intuition quasi médiumnique, mais sera dépendante, impatiente et naïve, aura tendance à se plonger dans le rêve, la passivité, voire le laisser aller. Mais elle pourra aussi être réservée, maîtresse d'elle-même, sous une apparente insensibilité, pragmatique, méfiante et prudente, patiente, avec une grande capacité de travail qu'elle mettra au service de son ambition. Le maître mot d'une telle nature est certainement la motivation. Dicton du jour, septembre humide, pas de tonneau vide. En septembre, si 3 jours Hilton, c'est un nouveau bail pour l'automne. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 5 septembre, petit point historique, en 1725, c'était le mariage de Louis XV de France et de Marie Leszczyńska. Et en 1791, Olympe de Gouges rédigeait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le groupe En Vogue et leur titre Don't Let Go. Don't let me, 'cause I can't breathe. Don't Let Go du groupe En Vogue sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle anniversaire. Ils sont nés un 5 septembre 1939, naissance de George Lazenby, acteur australien connu pour avoir incarné à une seule reprise le rôle de James Bond. C'était dans le film Au service secret de Sa Majesté en 1969. 1940, naissance de Raquel Welch, actrice américaine vue dans Les Trois Mousquetaires. On l'appelait Milady dans le rôle de Constance Bonacieux, La Revanche d'une Blonde ou encore la série Spin City dans le rôle d'Abby Lassiter. 1942, naissance de Denise Fah, présentatrice télé française. 1951, naissance de Michael Keaton, acteur américain vu dans Beetlejuice, dans le rôle de Beetlejuice, dans Batman et Batman le Défi, dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman. Hors d'atteinte, Need for Speed, Spider-Man Homecoming, pardon, dans le rôle d'Adrian Toomes alias le Vautour, rôle qu'il reprendra d'ailleurs en 2019 dans Spider-Man Far From Home. 1958, naissance de Daniel Gauthier, homme d'affaires, administrateur québécois, cofondateur du Cirque du Soleil. 1966, naissance de Terry Ellis, chanteuse américaine du groupe En Vogue. 1969, naissance de Leonardo Nascimento de Aroro, dit Leonardo, ancien footballeur brésilien devenu dirigeant de club de football et qui, depuis le 25 juillet dernier, est le nouveau directeur sportif du Milan AC. 1973, naissance de Rose McGowan, actrice américaine vue dans Scream, Le Dahlia Noir, Boulevard de la Mort dans le rôle de Pam dans le film Conan. On la connaît surtout pour son rôle de Paige Matthews dans la série télé Charmed et vue également dans quelques épisodes de la série Once Upon a Time dans le rôle de Cora jeune. 1989, naissance de Katharina Graham, actrice et chanteuse américaine, vue au cinéma dans 17 ans encore, Honey 2 Dance Battle dans le rôle de Maria Ramirez, à la télé dans Newport Beach, Anna Montana, mais on la connaît surtout pour son rôle de Bonnie Bennett dans la série Vampire Diaries. 1991, naissance de Skandar Keynes, acteur britannique connu pour son rôle d'Edmund Pevensie dans la trilogie du monde de Narnia. En 1997, décédée Mère Teresa, religieuse albano-indienne, prix Nobel de la paix en 1979. En 2012, décédée Christian Marin, acteur français vu dans Piouk Piouk et connu pour son rôle du maréchal de logis Albert Merlot dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie et Le Gendarme en balade. Avant de marquer une petite pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis. On commence avec le film Photo de famille, comédie dramatique de Cécilia Rouault avec Vanessa Paradis, Camille Cotin ou encore Pierre Deladonchamp. Autre film, c'est un documentaire qui s'intitule Un nouveau jour sur Terre. Autre documentaire, c'est Whitney, un documentaire sur la chanteuse Whitney Houston. Autre film, thriller, Invasion, de Kiyoshi Kurosawa avec Kao, Shota Somtani et Masahiro Higashide. Autre film, Sherazade, un drame de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza Forta et Idir Azougli. Et enfin, dernier film, c'est un drame intitulé Sophia de Myriam Benbarek avec Maha Halemi, Lubna Azabal et Sarah Perle. Voilà pour les sorties cinéma en ce mercredi 5 septembre. On va tout de suite marquer une pause musicale avec la chanteuse et actrice Katharina Graham, plus couramment appelée Kat Graham, et on écoute son titre All Your Love. Sugar when I kiss your lips, desperate love. for the love of it. Not for you like a violet. Call the police and the government. Rated X ain't for the kids. Give me that night, give me all of it. Give me all your love in here tonight. Gonna make you feel alright. Come a little closer, hit the lights. You've been waking for this all your life. I want your love, I want it. I need your love, I need it. I want your love, I want your love. Graham avec le titre All Your Love sur le 107FM. Il est temps pour nous de faire un petit point météo à 8h45. La météo. Alors, ce matin encore, il y a du brouillard, mais celui-ci va vite se dissiper pour laisser apparaître du soleil. Attention, des averses sont à prévoir en fin d'après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, ce sera une journée pluvieuse avec peut-être même des orages. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Vendredi, retour des éclaircies, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le cyclisme et la Vuelta. L'étape d'hier a été remportée par Viviani juste devant Peter Sagan. Le premier français s'est classé 5e. Il s'agit de Marc Sarro. Nasser Bouhanni, lui, s'est classé 13e. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus longue avec 207,8 km à parcourir. Et hier, c'était la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne qui a été remportée par Julien Alaphilippe. En basket, match amical et défaite du Jet Vosges à domicile 85 à 90 face à l'équipe de Grise. Et on termine avec le tennis et l'US Open. A noter que côté féminin, Sloane Stephens, tête de série numéro 3, s'est inclinée en 2-7 face à Sevastova, 6-2, 6-3. Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Pliskova, 6-4, 6-3. Et en double féminin, Mladenovic en duo avec Babos s'est qualifiée 2-7 à 0 face à la paire Makarova-Radeka. Aujourd'hui, Osaka affrontera Tsurenko et Suarez Navarro seront opposés à Keys. Et côté messieurs, Juan Martín Del Potro s'est qualifié en 4-7 face à John Isner, 6-7, 6-3, 7-6, 6-2. Et Rafael Nadal a été jusqu'au bout du suspense face à Dominic Thiem. L'Espagnol s'impose en 5-7, 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6. Et en double messieurs, à noter qu'Edouard Roger Vasselin a été éliminé avec son coéquipier Bopana 2-7 à 0 face à la paire Cabal et Farah. Et au programme d'aujourd'hui, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Marin Cilic affrontera Kei Nishikori et Djokovic sera opposé à Milman. Et on connaît depuis hier la composition de l'équipe de France pour la demi-finale de la Coupe Davis qui aura lieu la semaine prochaine face à l'Espagne, hein, je vous le rappelle. Il y aura donc Lucas Pouille, Richard Gasquet, Nicolas Mahut, donc là jusque-là pas trop de surprises. Benoît Paire figure dans cette liste, première sélection hein, pour Benoît Paire qui, alors lui on ne savait pas trop hein, s'il serait sélectionné un jour vu ses déboires avec l'équipe de France, hein, on s'en souvient, il avait été exclu hein, de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio, mais voilà, c'est sa première participation. Et quand on demande à Yannick Noah si il a peur du comportement de Benoît Paire par exemple sur ce week-end en Coupe Davis, il a déclaré en conférence de presse: ce qui m'inquiète le plus, c'est le gaucher d'en face, faisant référence bien évidemment à Raphaël Nadal. Et figure dans cette liste également Julien Beneteau, lui qui pensait avoir disputé son dernier match à l'US Open il y a quelques jours. Eh bien, il fait partie de cette équipe de Coupe Davis puisqu'il vient remplacer Pierre-Hugues Herbert qui est blessé aux ischios au jambier, qui ne pourra donc malheureusement pas participer à cette demi-finale de Coupe Davis. Donc voilà, Pouille, Gasquet, Mahut, Paire et Beneteau et Adrian Manarino en tant que remplaçant. Voilà la liste complète de cette équipe de France pour cette demi-finale tant attendue de Coupe Davis qui aura lieu donc, je vous le rappelle, le week-end prochain du 14 au 16 septembre à Lille. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec mon coup de cœur de la rentrée signé Amir avec le titre Longtemps. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne.